메인바. Colibana, toko mina bankoko, restons unis, Cynthia, pour le meilleur et pour le pire. Zongo zongo mabe, zongo zongo loke, Aurore, Tomanitu. Bye. ngomba ya fiele ngomba ya mabala oyo umela ba 10 ba 20 ba 30 ya mariage ok ok ok ok esukuma oni isaka esukuma esukuma isaka ok ok ok ok ok Mama.